Comment ça, jeune bois? Tu penses que tu es prêt pour que je t'enseigne les techniques ancestrales de maître de jeu? Bien, bon, d'abord, première chose que tu dois savoir, jeune padawan, les PJ sont tes ennemis. Ils sont fourbes. Ils vont essayer de briser ton scénario. Tu dois être inflexible, telle la lame du sabre sous la lumière du printemps. Quoi que ça puisse vouloir dire. Tu ne dois rien laisser passer. Tu dois te méfier d'eux et les piéger dès que tu peux. Sache que tous les moyens sont bons pour gagner contre ces vilains PJ. Oui, c'est bien, c'est ça, oui, il faut que tu aies la niaque. La niaque, la niaque, la niaque. Oh, bon. Salut, monsieur, madame, personne non binaire, non, ne t'en va pas, ne t'en va pas, je vais pas dire que des bêtises, c'est promis. C'est promis, donc. Alors, déjà, juste une chose, petit message à caractère informatique, informatif. Si tu viens de la précédente vidéo sur comment commencer à maîtriser, tu viens juste de la regarder, tu viens regarder celle-là maintenant? Dis donc, tu brûles un peu les étapes là, non? Hein? Bon, c'est pas grave, on n'est pas, c'est pas la police, c'est pas la police d'MJ ici, tu fais ce que tu veux. Si tu veux cramer les étapes et puis passer du niveau 1 au niveau 50 tout de suite, eh ben, tu es sur la bonne vidéo. Puisque ici, on va voir vraiment, je dirais, les conseils qui vont s'appliquer à des MJ qui ont déjà un petit peu de bouteille. Enfin, les conseils que je vais te donner, je pense que c'est vraiment pas la peine de les mettre en place quand c'est tes premières parties, quoi. C'est voilà, tu as fait tes premières parties, ça se passe bien, mais tu es dans une volonté ben, de t'améliorer. Alors, petit point là-dessus, sur la volonté de s'améliorer, je ne crois pas que ça soit. Que ce soit obligatoire en fait de chercher à s'améliorer. Enfin, je veux dire, si tu es content, contente de ce que tu fais, si tu n'as aussi pas la charge mentale, pas les cuillères, pas le temps de faire mieux, ben reste comme t'es. Enfin, je veux dire, ça reste un loisir. Et puis en plus de ça, ben t'es pas tout seul, toute seule à la table. Il y a aussi les joueuses. Donc là, et puis il y a aussi les jeux. Enfin, bon, bref, la réussite de la partie ne repose qu'en partie. Partie, enfin, ne repose qu'à moitié sur tes épaules, quoi. Donc, te mets pas trop de pression. Mais bon, par contre, voilà. On va dire que quand même, tu es dans cette volonté de t'amélioration, voilà, c'est ton kiff, c'est tu veux essayer d'atteindre vraiment une qualité de partie. Tu penses que ça repose en partie sur ta maîtrise. Et ça repose en partie sur ta maîtrise, c'est évident. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire de ton côté, du côté MJ, ben, pour améliorer tout, quoi. Bon, bah, déjà, premier conseil qui va bien, si tu. Je t'en ai déjà parlé sur la vidéo comment transmettre oralement le jeu de rôle. Eh bien, tu peux acquérir la boîte d'outils du meneur de jeu. Déjà, premier intérêt de la chose, c'est que tu mets ça sur ta bibliothèque bien en évidence quand tu maîtrises. Comme ça, la TPJ dit oh, oh là là là, oh, lui ou elle, on va pas lui faire à l'envers, quoi. Voilà, la personne fait partie des pros maintenant. Donc voilà, même si tu ne l'as pas lu déjà, ça peut te rendre service. Mais bon, honnêtement, si tu lis ça, enfin, t'es niveau 50, hein, c'est obligé. Enfin, tout est dit dans ce bouquin. Vraiment, il n'y a pas un sujet important pour la maîtrise qui ne soit pas abordé dans ce bouquin de Jérôme Larrey et Coralie David. Enfin, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est une somme, ça tue le game, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc, très modestement, je vais essayer de te parler de choses, soit qui ne sont pas dans ce bouquin, soit qui y sont, mais bon, voilà, tu n'as pas le time de te taper 800 pages. Et je vais le dire avec mes mots à moi. Le truc qui va bien, moi, je trouve, c'est, je fais beaucoup, hein, c'est utiliser des aides de jeu. Je pense que, ben, je ne sais pas quand tu débutes si les aides de jeu, c'est bien ou pas bien. Ça va dépendre de ta façon de gérer la charge mentale, donc tu me diras. Mais par contre, c'est évident que quand tu veux progresser en maîtrise, vraiment très bien, on va commencer par Story Engine. Je suis désolé, c'est que en anglais, mais c'est vraiment, vraiment top. Donc, tu as des cartes qui s'appellent les cartes agents. Donc, tu as une photo qui peut représenter un personnage ou un PNJ avec chaque fois quatre interprétations possibles de la photo. Donc, là, par exemple, j'ai un druide, un toxico, un parieur ou un patient. Tu vas avoir des. Comment? Tu vas avoir des endroits. Donc, là, par exemple, voilà, des endroits, des adjectifs pour typer tes tirages. Tu vas avoir des objectifs aussi, qu'est-ce qui s'oppose aux objectifs du personnage, tout ça. Déjà, c'est massif, hein. Story Engine, déjà, franchement, je te conseille très, très chaudement. Et puis alors, vraiment, l'aide de jeu qui tue totalement le game, hein. Je pense que tu connais, mais bon, je pense qu'il n'y aura jamais assez de pubs. C'est Muséorak, voilà, t'as un énorme paquet de cartes. Sur chaque carte, t'as une quantité d'inspiration phénoménale. Avec ça, tu seras jamais à court, voilà, pour improviser ou pour préparer tes scénarios. C'est la folie. Plutôt tête de jeu, si t'es plutôt dans le côté narratif, ça s'appelle Fabula. Fabula, c'est un jeu de cartes. Qui est à la base pour la création de scénarios, d'histoires, quoi. Donc, c'est pas forcément pour le jeu de rôle. Et tu vas retrouver notamment, mais ne s'y limitant pas, les étapes du voyage de héros de Campbell, hein, divers contraintes ou diverses étapes pour créer une histoire. Et donc, bah, ça pour improviser ou pour scénariser, c'est vraiment bien. Ok. Sinon, bah, moi, je te conseille d'aller sur Chartopia, donc il y a un site. De tables aléatoires, et là tu vas trouver des milliards de tables aléatoires. Enfin, je pense, tu tapes n'importe quoi, tu vas tout de suite trouver une entrée qui correspond. Tu veux une auberge, bon bah tu tapes in, pas de souci. Tu veux, je sais pas, spadassin, tu veux un spadassin, hop, tu tapes spadassin, tu vas trouver des tables aléatoires de spadassin. Enfin, je fais pas le test devant toi parce que je vais perdre du temps, mais bon, il y a vraiment tout ce qu'il te faut. Moi, j'ai mis massivement, j'ai mis plein d'aides de jeu sur Chartopia pour l'univers de niveau, mais il y en a pour tous les goûts, pour tous les univers, c'est vraiment très complet. Voilà, conseil numéro 3. Lâche prise de ton scénario pour laisser les PJ guider le jeu. Ça veut dire, je ne te dis pas de plus faire de scénario ou de plus essayer de l'amener jusqu'à son terme. Mais tu vas de plus en plus laisser des espaces d'appropriation par les joueuses, des moments de temps libre. Assure-toi que les personnages aient des quêtes personnelles, tu vois, des enjeux qui débordent du scénario. Assure-toi de leur donner du temps pour le faire et tu vas les suivre derrière. C'est ce qu'on appelle le jeu de basse, hein, grosso modo. Et de plus en plus, tu vas faire ça. Tu vas centrer ton attention sur les personnages et non plus sur ton intrigue. Et tu vas suivre les personnages là où ils vont. Bah, pour moi, c'est une façon de maîtriser qui est relativement dure, hein, mais qui est vraiment très, très intéressante. Tu vas mettre en place bah, une sonorisation stylée aussi. Ça, c'est donc bah, moi, je te conseille évidemment ma petite playlist musique sombre pour jeu de rôle sombre, hein. Mais voilà, bosse bien la sonorisation. Et bosse bien ta gestion de la sonorisation, donc n'utilise pas des trucs avec des pubs Spotify. Essaye de vraiment avoir la musique qui colle bien à l'ambiance que tu veux au moment. Gère tes musiques de façon fluide. Voilà, ça, je pense que ça apporte un gros plus, hein, clairement. Alors que bon, quand tu vas débuter en maîtrise, tu peux sonoriser, mais ça va être, tu vas mettre une playlist YouTube random et puis ça ira bien, quoi. Sur des communautés rôlistes, échange en fait avec d'autres MJ, échangez-vous des trucs de MJ, des trucs de druide, quoi. Bah, par exemple, l'espace des commentaires sur les vidéos Outsider, il est tout à fait là pour ça, quoi. On peut discuter entre nous sur divers sujets par rapport au sujet de la vidéo, on peut faire du hors-sujet, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à utiliser cet espace-là pour ça, pour discuter. Mais il y a plein de Discord, de forums, enfin, de groupes Facebook. Voilà, enfin, échange et confronte tes points de vue aux autres MJ. Sois pas trop dogmatique en disant que ta façon est la bonne et toutes les autres, c'est nul. Essaie d'être curieux, curieuse de ce que font les autres et de t'en inspirer, quoi. Pose des questions quand tu bloques sur un truc, pose des questions sur les forums, enfin voilà. Et une approche communautaire comme ça d'échange. Tu vas aussi, moi je t'invite à étudier des actual plays, à écouter des actual plays, bon, certes pour ton plaisir bien sûr, mais aussi en disant ok, je vais un peu étudier leur façon de jouer, le MJ, comment il se comporte, tout ça quoi. Sors de ta zone de confort, là, ça c'est plus un mantra qu'un conseil quoi. C'est que bah, je pense que il faut que tu identifies c'est quoi ta zone de confort. En fait, tu vas te rendre compte que tu maîtrises toujours d'une certaine façon ou dans un certain type d'univers, avec un certain mood et tout. Bah, tu dis, ok, cette fois-ci, je vais changer, je vais essayer autre chose. Essaye divers trucs, soit pour te rendre compte que ta façon habituelle te convient, soit au contraire, juste pour élargir ta palette émotionnelle, ta palette d'univers, ta palette de genre narratif, quoi. Ta palette, évidemment, de gameplay aussi. Pourquoi pas, bah, va jusqu'à créer ton propre jeu, ton propre univers. Alors, je prétends pas que ce soit l'alpha et le méta de la démarche de MJ. Hein. Enfin, je pense que tu peux être un MJ génial, genre qui fait que jouer des jeux, des salons du commerce. Mais ça peut être intéressant de, voilà, de passer ce pas-là, de faire aussi de la production maison. Bon, tu me casses un peu mon business, mais c'est pas grave. J'ai aussi fait des vidéos qui conseillent comment créer, quoi. Donc, tu iras voir. Essaye, fais-toi un peu violence, parce que moi je vois beaucoup de MJ, j'en fais un peu partie, hein. Je vois beaucoup de MJ expérimentés en fait qui ne font que MJT, ou quasiment quoi. Et en fait là il y a vraiment un gros risque de se scléroser, et donc pour moi il faut que tu essayes régulièrement d'être PJ à d'autres tables. Parce que déjà tu vas pouvoir te remettre parce qu'en fait c'est bien de vouloir s'améliorer, mais le mieux aussi c'est de ne pas régresser, tu vois, se maintenir un peu à jour et tout, et donc te remettre un peu dans la tête d'un PJ. Je pense que c'est salutaire quoi, justement parce que bah, pour pouvoir, une fois que tu reviens de l'autre côté de l'écran, tu sais mieux comment fonctionnent les PJ quoi. Joue à l'état de jeu, ça c'est le fameux conseil de Vincent Baker, mais il est évidemment très vrai. Hein. Donc que ce soit en PJ ou en MJ, essaye plein de jeux et tout, ça va t'ouvrir tes horizons. Et puis peut-être que tu as trouvé ton Graal, quoi, le jeu qui est trop bien, quoi, pour toi, quoi, parce que c'est peut-être ça aussi être un bon MJ, c'est peut-être trouver le bon jeu, quoi. Non pas que je sois un forgéen avec bec et ongles, mais bon, c'est pour certains c'est ça, hein, c'est chercher à la Graal du bon jeu. Puis même si tu trouves pas ton Graal, tu seras revenu riche de nouvelles expériences, de façon de faire et tout, tu pourras réintégrer dans ta maîtrise quoi. Conseil suivant, c'est veille au temps de parole, ça c'est important. Je sais que c'est la responsabilité de toute la table, mais en tant que MJ, je pense que ça repose quand même bien aussi sur tes épaules, surtout que généralement la personne qui prend le plus la parole, bah, c'est MJ évidemment. Donc il faut aussi faut que tu veilles à ce que les personnes timides aient quand même de la place pour communiquer, et que tu veilles à ce que toi MJ, tu sois pas trop bavard, ou en tout cas pas sauf si vraiment le contrat social est que on est dans une partie super descriptive quoi. Mais sinon, il faut pas que tu parles de trop quoi. Et dernier conseil. Ouais, c'est super bateau, mais je pense que c'est bien de revenir. Travaille tes PNJ, essaie de leur donner plus de chair que d'habitude, quoi. Que ce soit pas juste des fonctions pour des scénarios, ces PNJ, mais qu'ils aient leur histoire à côté d'eux, de leur petite personnalité, bah, qu'ils soient vivants, quoi, concrètement, quoi. Donc, il y aura une vidéo, hein, de toute façon, sur les PNJ. Bon, voilà, écoute. J'espère que ça aura été les 14 minutes les plus importantes de ta vie. En tout cas, il faut que je finisse avec le sponsor de cette vidéo, puisqu'il s'agit des monnaies de monde de jeux de rôle. En fait, aujourd'hui, quand tu veux te lancer dans le business, quand tu veux investir, te construire un capital, eh bien, on voit que les valeurs sûres d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. On voit bien que l'immobilier, ça va se péter la gueule là prochainement. Bon, bah, les crypto-monnaies. J'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'arnaque, mais bon, c'est quand même pas du tout stable comme marché. Bon, les NFT, n'en parlons même pas. Donc, nous, vraiment, on va aller vers le futur, vers quelque chose de vraiment fiable, abondant, et où en fait les moldus n'ont pas encore mis les pieds. Il s'agit des monnaies de jeux de rôle. Et donc avec cette petite application qui est un convertisseur fictionnel de monnaie, eh bien tu vas pouvoir commencer à amasser tes premières devises. Donc que ce soit évidemment toutes les pièces d'or que tu vas récolter en jouant à Donjons et Dragons, tu peux les rajouter sur ton portefeuille. Mais bon, par exemple, quand tu joues à 1000 veaux, tous les souvenirs qui servent de monnaie à 1000 veaux, tu peux aussi les mettre, tu peux les mettre dans ton portefeuille. Et puis, quelle que soit la. Bon, si tu joues à Eclipse Phase, eh bien, la réputation, voilà, pareil, ça va augmenter comme ça ton portefeuille de devises qui vont être tous se convertibles les unes envers les autres. Tu vois, tes cocos de L5R, tu peux très facilement les convertir en arco-dollar ou ce que tu veux, quoi. Voilà, ça, et en Nuyen, à Shadowrun et tout. Voilà, c'était donc. Le fictional money converter, vraiment super valeur sûre, pas mettre entre toutes les mains. Voilà, ça c'est vraiment, je te le dis parce que je considère que tu fais partie des initiés, des éveillés, des personnes qui veulent vraiment lancer un business sérieusement et qui veulent des outils à la fois pointus et fiables, bankable. Voilà, c'était vraiment important que je t'en parle. Donc évidemment, moi, je te parraine, hein, je te parraine, et en fait, en touchant 20% de tes. Je vais toucher 20% de tes revenus en monnaie fictionnelle, mais bon, grâce à moi, tu peux te lancer et tout. Et puis après, bon, derrière, tu peux. Pour te renflouer, il suffit toi-même de parrainer à ton tour d'autres monnaies converteurs, quoi. Qui vont se lancer dans ce business du futur, et je te promets vraiment, vraiment beaucoup d'abondance, quoi. Là-dessus, je te fais des bisous. Fais brûler le feu et la glace dans les commentaires. Abonne-toi, type, va voir mon blog, lis mes jeux, fais l'amour.